chair. Un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment, chantez pour les cœurs qui saignent. Chantez les joies et les peines, chantez à en perdre haleine. Dansez avec ceux qu'on aime, dansez pour les soirs de fête. Dansez à chaque seconde, dansez jusqu'au bout du monde. On a tous une chanson dans le cœur, un air qui nous met de bonne humeur. Quel que soit le style, un CD, un vinyle, on peut l'écouter pendant des heures. Un chanteur de bal un samedi soir me rappelle le début du... Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gemozo 107 FM. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que tous nos amis facebookiens. Oh, ça fait littéraire, je trouve ça. Hello le Québec, il est 10h. Des bisous à ma petite équipe et tous nos amis et artistes québécois. Et bonjour la Belgique. Ah, la Belgique aujourd'hui, oui. Mais je crois qu'il y a du bon chocolat en Belgique. Enfin, je demande à mon invité. Bonjour Lia. Bonjour Gilou. Comment vas-tu Lia? Je vais très bien, merci. Et toi? Très bien, j'ai plaisir à te retrouver. Oh, moi aussi. Il y a le soleil dans le studio. Ah oui. Ah, voilà. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne jusqu'à 17h30 en direct, en musique bien sûr. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone une artiste de Suisse, Isa. Auteur, compositeur, interprète, Isa nous parlera de son univers musical, de ses rencontres et de son nouvel EP intitulé Essie. Avant de rejoindre mon invité, n'hésitez pas bien sûr à nous laisser des petits messages sur nos pages Facebook respectives, Radio Gemozo et Gilles Mougel officiel. Voilà, je retrouve maintenant Isa. Bonjour Isa. Mais bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs. Bonjour Isa. ça va bien Isa? Ah bah ça va bien, ici il fait grand beau, les montagnes sont toutes blanches. Ah oui, j'allais te demander, oui. Ah c'est magnifique, je suis entourée de toutes les Alpes là, c'est juste parfait. Oh, grand soleil, la neige, c'est magnifique. Oh c'est magnifique. Alors ça moi j'adore ces paysages de neige, c'est vrai que c'est beau. Là, tu nous fais un petit peu marronner. Enfin... Ben oui. Oh ben, il faut un petit peu. Hein. En plus, je crois que c'est une période de vacances pour les enfants, donc tout va bien. Oui. Je parlais de chocolat dans mon intro. Je crois qu'il y a du bon chocolat en Suisse, non? Ouh, oui. Oui. Alors, je ne vais pas faire le concours avec la Belgique, parce qu'ils ont aussi du très bon. Oui, c'est vrai, oui. Je sais qu'il y a des amis belges à l'écoute, donc tout en leur honneur, ils ont du chocolat qui est très bon, tout aussi bon que le nôtre, je pense. D'accord. Bon ben voilà, le décor est planté, on est entouré de neige, de belles montagnes, etc. Voilà, on va imaginer. Mais oui. Alors Isa, je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi. Et je remercie bien sûr mon amie agente Lynn qui nous a mis en relation. Oui, tout à fait, que je salue au passage d'ailleurs, merci beaucoup à Lynn. Oui, bon, Lynn nous écoute, voilà. Alors, est-ce que tu aimes bien les surprises Isa? Ça dépend lesquelles. Ah, les bonnes, on va dire. Non, je pense qu'on aime tous un peu les surprises quand elles sont bonnes. Hein, c'est sûr. Voilà. Alors, si tu veux, pour commencer, une petite surprise. D'accord. Bonjour à tous, c'est Emma C. C'est avec un grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui dans les années de bonheur. Je tenais à laisser un message pour notre invité de cette semaine. Bonjour Isa, tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand bonheur de vous avoir avec nous. Par le métier qu'on fait, nous avons la chance de découvrir des artistes de talent. Mais il nous arrive aussi de faire de belles découvertes. Lors de la première écoute de votre EP, j'ai eu un coup de cœur musical pour vos compositions et vos mélodies accrocheuses, ce qui promet une belle continuité. Je vous souhaite sincèrement d'aller au bout de vos rêves. On reste bien sûr en contact. Avec toute mon amitié, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous du Québec. Voilà. Oh là là. Une petite, petit mot de... Ah, j'ai la gorge un petit peu serrée, et là, je suis très touchée. C'est vrai. Ouais, ça m'intéresse. Ouais, c'est vraiment... Il faut juste que je reprenne un peu mes esprits. D'accord. Et je suis un peu sensible. Hein. Ouais. je suis une usine à larmes, hein. C'est un peu comme ça, des fois, les artistes. C'est vrai. Non, ouais. Mais vraiment, je remercie Lynn de tout cœur pour ce touchant message qui me fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Voilà, donc le petit accent québécois, hein, voilà. Oui, c'est bien. Hein. Ça fait tout de suite un petit plus, hein, cet accent. Un petit plus, voilà. Oui, tout à fait. En tout cas, je lui fais des gros bisous et je la remercie de tout mon cœur pour ce gentil message. D'accord. Alors, Isa, donc on va parler un petit peu de ta carrière. Hein. Donc, tu chantes depuis tout jeune. Hein. J'ai vu, tu as commencé toute jeune, à quel âge à peu près? Oui, en fait, j'ai toujours chanté depuis toute petite, hein, déjà en famille, quand on faisait la vaisselle avec ma maman, ma soeur, mon papa, enfin voilà. On a toujours un petit peu chanté comme ça pour le plaisir en famille, ensuite à l'école, donc c'était vraiment... On avait encore à l'école le chant, je ne sais pas si ça existe encore maintenant pour les enfants, mais nous on avait une heure de chant par semaine, et puis je m'éclatais là-dedans en fait, et après avec ma soeur on reprenait des chansons, on faisait des chansons en canon, enfin voilà. Et puis à la suite de ça, en prenant un peu de la bouteille, on va dire, j'ai commencé à faire partie de chœur, où j'ai continué à chanter comme le Grand Chœur de France. Oui. Où par cette occasion, ben, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de côtoyer certains artistes, dont Jacques Higelin. Et en fait, j'ai continué ses chœurs et puis j'ai continué à chanter. Ensuite, j'ai fait partie de plusieurs groupes un petit peu rock, car les gens venaient vers moi pour me demander de faire partie de groupe, où j'ai eu une magnifique aventure pendant 7 ans avec le groupe Ripley. On a fait beaucoup de reprises, on a beaucoup tourné. Et puis ensuite, il y a eu, c'est vrai, des grandes pauses, parce que ben on a tous pris de l'âge. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des enfants, donc qui se sont occupés de leur famille, qui ont dû un petit peu arrêter la musique. Et puis là, je me suis retrouvée un petit peu face à moi-même. Et c'est vrai que très souvent, on me disait, mais fais tes chansons, t'écris déjà et tout, tu devrais... Sors de ton salon, fais les choses. Et puis, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps, vraiment beaucoup, beaucoup de temps. J'étais à l'aise dans mon petit salon, comme on dit. Oui. Et puis, un jour, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Et puis, j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Et voilà, et je me suis lancée. Il faut se lancer, ouais. Grand bonheur. J'en suis là aujourd'hui. Et c'est juste magnifique de pouvoir, justement, maintenant partager réellement avec le public ce que j'ai à dire, les choses que j'ai envie de leur transmettre. Et puis vivre cette aventure ensemble. C'est juste magique. D'accord. Mais tu as toujours été dans la musique, Isa, ou tu as fait quelques... Enfin, je pense que tu as peut-être fait des études aussi avant de faire de la musique. Non, alors, non. Tu dis des études dans la musique ou... Non, hors musique, je veux dire. Ah oui, ben bien sûr. Ah hein, bien sûr, ouais, ouais. Non, ouais. Ben, on est obligé, hein, parce que oui, tout à fait. C'est pas avec la musique qu'on arrive à vivre, malheureusement. Oui, malheureusement, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est pour les gens comme qui n'ont pas encore percé ou qui ne sont pas signés, etc. Oui. Mais bien sûr, moi j'ai fait des études dans la décoration, en fait. Oui. Donc j'étais dans tout ce qui est courte pointière, etc. Je ne sais pas si vous connaissez ce métier. Mais bien sûr, j'ai fait des études à côté, ça c'est sûr. Tu étais déjà un petit peu dans l'artistique, on va dire, non si... Oui, hein, oui, sur tout ce petit, sur côté, oui, là. Ouais, j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains. Je suis quelqu'un qui aime créer, qui aime sortir de son endroit après le travail et de voir ce qu'elle a fait la journée. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas parce que je suis dans un bureau, parce que les choses changent dans la vie. Oui. Mais c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et heureusement, justement, que j'ai la musique à côté pour parer à ce manque de création. Justement, grâce à ça, grâce à la musique, à l'écriture, à la composition et tout ça, je peux vivre... vraiment quelque chose de créatif et ça me complète totalement. D'accord, oui, parce qu'on rappelle que tu es auteur, compositeur, oui, non, compositrice, oui, on dit compositeur aussi. Je ne sais jamais pour les dames. Oui, on peut dire les deux, en fait. On peut dire les deux, hein, ouais. Compositeur avec un E. D'accord, donc auteur, compositrice et interprète. Oui. Oui, je fais mes chansons, mes musiques, voilà, je fais tout. c'est bien. Non, puis la musique, c'est formidable, hein. Ah ben ça fait un grand bien, c'est un grand bien la musique. On peut partager avec les gens. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait quand j'ai décidé de me lancer, j'ai fait une demande de soutien pour voir un petit peu ce que je pouvais faire ou pas, étant donné que la musique ça coûte quand même cher, hein, malheureusement. Oui, bien sûr. Et puis pour se lancer surtout, pour faire un EP encore plus. Et puis j'ai fait cette demande de soutien en me disant, finalement comme j'ai dit, j'y vais maintenant, c'est maintenant ou jamais. J'ai fait cette demande de soutien et à mon grand étonnement, je me suis dit j'ai rien à perdre et tout le monde a été présent, des gens que je connais même pas. Enfin, il y a vraiment eu des gens qui sont réunis pour donner vie à mon rêve. Il y a eu 56 personnes. Et vraiment, encore aujourd'hui, je les chéris dans mon cœur parce que c'est grâce à toutes ces personnes que j'ai pu donner vie à mon rêve et à cette paix. Voilà, ce qui va donner une suite, bien évidemment. Bien sûr, oui, c'est un premier, donc oui, le premier EP. Hein, oui, c'est le petit bébé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est le premier bébé, bien sûr, oui. Oui, c'est un premier bébé de 5 titres que j'ai partagé avec des émotions que j'avais vraiment en moi. J'avais fait déjà des chansons depuis quelques temps, depuis des années, et finalement je m'étais dit je vais reprendre les textes que j'ai faits. Et en fait, finalement, pas du tout. J'ai vraiment créé des chansons dans l'année, comme ça, elles sont nées avec justement cette complicité avec les gens. Et je suis très contente de ça parce que c'est toutes des nouveautés et non pas des choses que j'ai sorties, que j'avais déjà écrites. Donc, oui, bien sûr. C'est vraiment des nouveautés que j'ai mises sur papier et que j'ai écrit après à la guitare, la musique avec pour m'accompagner. Et je dois dire que j'en suis très fière. C'était partir avec 5 titres pour voir déjà si c'était crocheur. Oui, d'avoir déjà eu l'idée, tout ça, voilà, ça peut donner. Et j'ai eu un retour vraiment incroyable des gens, du public, des amis, de la famille, enfin vraiment de tout le monde, et c'est juste magnifique. C'est vraiment une aventure que je vis qui est incroyable. Ça a pris, c'est en train de continuer, ça ne s'arrête pas, et ça c'est très très beau. Je veux dire, on ne peut qu'accrocher, parce que c'est vrai, quand j'ai écouté les 5 titres de cette EP, hein, c'est bien, quoi. Je veux dire, ça bouge, hein, il y a du rock, hein, il y a quelques titres sur de rock, c'est pas mal. Oui, et... tout à fait. Ouais. Et puis donc, ben voilà, moi je t'ai découvert avec cette chanson, enfin c'est pareil, c'est Céline aussi qui m'a donc voilà, envoyé vers toi, et puis qui m'a dit écoute cette chanson là, puis voilà, parce que bon, on travaille tous les deux, et puis voilà. Alors si tu veux bien, Isa, on va écouter un premier titre. Oui, avec grand plaisir. Alors ce premier titre, Danse avec moi. Laisse-toi aller au son de l'amitié. dans tes bras. Danse avec moi. Danse avec moi, Isa, une très belle chanson. Ah, quel titre. Je me vois. Je me vois. Pour moi, c'est un peu mon hymne, en fait. Je pense qu'elle me suivra toujours. C'est vraiment. C'est la première que j'ai écrite sur les. Non, c'est pas vrai. Moi, c'était Injustice. Mais c'est celle qui a vraiment suivi tout de suite derrière. Et je me rappelle encore, quand je l'ai écrite, j'étais dans mon salon devant ma petite cheminée. Il neigeait dehors, et j'avais un petit feu. Et puis... ouais. Non, mais c'est vraiment. Le non, sujet, je ris pas, mais. Là, devant la cheminée, la neige, tout ça. Continue. Ça non, mais... Cliché, mais c'était tellement ça. Bien sûr. Je pensais à quelqu'un en particulier. Oui. Et c'est une chanson vraiment que j'ai écrite d'une manière très fluide et assez rapidement. Elle a vu le jour vraiment comme si c'était une évidence. Ouais, c'était ça, une évidence. Chaque mot s'est posé l'un après l'autre. C'était assez déroutant, même pour moi-même, en fait. C'est bizarre, hein. Et finalement, c'est ce qui m'a dit dans ma tête, c'est ce qui m'a donné, en fait, le courage de continuer, parce que je me suis dit, mais en fait, comment on pourrait dire, ça concrétise vraiment ce que je pense. J'ai des choses à dire, des choses à partager. Et ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que cette chanson, ben, c'est clair, comme on dit, chaque artiste dit, une fois qu'on a partagé nos chansons, elles nous appartiennent oui, plus. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Et c'est ça qui est le plus beau, parce que j'ai des témoignages sur beaucoup de mes chansons, des témoignages différents de gens d'un peu partout, tout à coup qui me font des témoignages, soit sur YouTube, soit sur Facebook, enfin c'est un peu partout. En fait, on me dit, oh, j'ai ma fille, elle vient de se marier, on a passé la chanson, ou des choses un peu plus personnelles. Où ils me font confiance, puis ils me parlent de leur vie carrément et ils partagent des choses avec moi sur des titres, c'est juste de la folie. C'est waouh, comme on dit. Enfin, comme je dis souvent, c'est waouh pour moi. On pourrait dire que c'est le titre éponyme, enfin, de ton EP. Oui, hein, tout à fait. On pourrait dire comme ça. Oui. Hein, c'est oui, vrai que. Ouais. D'accord. Alors, Isa, j'ai un petit message à te livrer. Je surveille mon smartphone, là. Donc, alors, j'ai un bonjour, Gilou, un grand bonjour de Michel et Anne de Belgique. Oh, trop chou. Ben voilà, d'où vient le chocolat. C'est ce que je disais, les amis belges. Ils sont là. Alors, oui, alors, donc, des gros becs à Isa. Oh, c'est trop chou. Là, voilà, en fait, donc. Je retourne les gros becs avec grand plaisir. Michel et Anne. Ouais, puis c'est super touchant parce qu'en fait, Michel et Anne. Ils sont toujours partout, en fait. On les connaît une fois, parce que voilà, on fait de la musique. À travers les radios, on s'est connus, parce qu'ils sont aussi sur une radio. Je sur pense la que radio, vous oui. Aussi. Oui, oui. Je ne sais pas si on a le droit de les citer, mais voilà. Si, et puis, on peut en profiter pour bien leur faire sûr. Un peu de pub et de soutien. Donc, Zik One Radio en Belgique. Ah bah oui, bien et, sûr. Ils sont vraiment formidables, parce que... Ils nous lâchent pas, en fait. Ils suivent chaque artiste, chaque personne qu'ils apprécient ou qu'ils portent dans leur cœur. Ils les portent à bout de bras, ils parlent d'eux, ils sont là, ils y croient, ils nous soutiennent. Et voilà, même en dehors, des petits messages de bonjour ou comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une grande chance. Michel, c'est un passionné. Oui, bien sûr. Et c'est toujours magnifique pour nous, les artistes, de savoir que... Voilà, que des radios comme vous, comme eux, sont là pour nous soutenir, parce que c'est pas partout, et ça fait vraiment du bien, un grand merci. C'est vrai que c'est pas partout, hein, ça devient difficile, hein, et même, je dirais, je le dis, c'est vrai, assez souvent, même des artistes, alors, c'est pas péjoratif, hein, Isa, mais même des artistes confirmés, je dirais, aiment bien venir dans nos radios, parce qu'ils passent plus du tout sur les radios nationales, hein. C'est incroyable quand même. C'est pourquoi incroyable, non mais c'est vrai, c'est... Mais c'est ça en fait que je regrette, on n'est pas là pour juger ou dans la critique, hein, mais on est là dans le non. partage. Et finalement, si on est là dans le partage, si on communique, parce que, je veux dire, il y a beaucoup d'artistes qui sont là aussi pour communiquer avec les gens, pour faire passer des messages. C'est aussi important dans la vie de tous les jours. Et puis finalement, ben, exactement ça, on ne passe pas dans ces radios nationales, que ce soit en voilà. Suisse ou en France. Et finalement, c'est un petit peu dommage, ça devient un peu l'usine. Et, ouais, parce que... et heureusement qu'il y a ces radios, comme on dit, ces radios web, ou même pas, hein, les radios sur cette FM, donc voilà quand même. Et qu'on a encore des radios justement qui s'intéressent à l'humain, à la personne humaine, et de voir que... il y a du monde partout et il y a de la place pour tout le monde. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire, il y a de la place partout et c'est dommage, ben, je veux dire, moi je le dis souvent sur les radios nationales, c'est du matraquage parce que voilà, t'entends des chansons, c'est 4, 5, 6 fois dans la journée. Alors pourquoi je sais pas. Bon, sûrement un problème aussi d'argent. Hein, il faut pas bien se sûr, leurrer. C'est toujours, ah oui, c'est toujours. Hein, c'est voilà des grosses boîtes, des grosses maisons de disques. Je pense que voilà qui financent, etc. Mais voilà, au lieu de passer 6 fois machin. Bon, je vais dire ça comme ça parce que je veux pas faire de. Mais bon, pourquoi il y aurait pas une place pour voilà pour des artistes, des artistes ça, comme un peu vous. Dommage, hein. Je comprends parce que c'est comme ça ma foi. Hein. C'est le business comme on dit, mais. Voilà, il faut aussi respecter ça, mais en même temps, c'est vrai que du coup, ben, c'est plus difficile pour des nouveaux talents, etc., d'arriver là et puis de vouloir dire on a aussi quelque chose à dire, écoutez-nous. Ben oui. Et justement, c'est grâce à des radios comme vous, ou comme Zikwan ou bien d'autres, et là, il y en a beaucoup hein, qui sont là pour nous. Ah oui, bien sûr, oui, oui. On est là et puis on peut nous écouter et on peut transmettre les messages et c'est ça qui est juste magique. Et moi, j'ai la chance, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai quand même en Suisse deux très grandes radios en Suisse où je suis passée, une en Valais et une sur la rivière à Chablais. Et c'est des très grosse radio en Suisse et j'ai la chance d'avoir pu faire une émission sur une et puis deux interviews sur l'autre. Donc même si c'était très court, hein, parce que grande radio finalement c'est pas une demi-heure, hein, c'est des petites périodes, c'est des petites, petites capsules. Mais finalement j'ai quand même eu la chance de le faire et pour ça j'en suis vraiment ravie et encore un merci. À toutes ces personnes qui nous font confiance. Bien sûr, parce que moi, bon, c'est vrai, pour avoir reçu pas mal d'artistes, hein, comme toi, Isa, comme Loni, on en parlera tout à l'heure. Oui. C'est vrai que vous avez des belles choses à dire et il y a des belles voix, vous avez des belles voix et ça passerait très bien, voilà, sur ces radios-là. Je vois pas pourquoi. Mais bon, ça c'est l'époque. C'est notre histoire, ouais. C'est notre histoire. C'est comme on dit, il y a peut-être aussi peut-être le style hein, d'aujourd'hui. On voit aujourd'hui, c'est très, comment on peut dire, la musique est très électro. C'est très différent. Il y a beaucoup de rap aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des radios qui passent pas forcément ce style de musique. Donc il y a encore ça aussi. Hein. Donc c'est pas toujours évident de convenir dans chaque radio. Il faut vraiment trouver un peu qui passe quel genre de musique. Il y a des radios qui passent pas du tout de chansons françaises, par exemple. Oui, c'est sûr. C'est donc, vrai. Du coup, il n'y a aucune entrée possible dans ces radios-là aussi. Il y a aussi ça. Hein. Bien sûr, oui. Non mais je dis, pour avoir écouté ton CD, alors je veux dire, bon, moi je dis, ça cale bien, ça colle bien dans mon émission Les Années Bonheur, parce que bon, c'est les années... voilà, Les Années Bonheur, tout est dit dans le titre, hein. Enfin dans le concept, et je veux dire, voilà, c'est des belles chansons, t'aurais chanté du rap, je sais pas quoi, je t'aurais pas contacté. Ah tu vois, alors toi aussi tu fais de la ségrégation. Oui, je fais de la ségrégation aussi. Non, mais... C'est vrai que, mais c'est tous, hein, tous nous le disent. Hein. Moi, je sais que ça fait, ça va faire 6 ans que je fais de la radio. J'ai eu pas mal d'artistes régionaux, locales, tout ça, locaux. C'est vrai que tous nous disent, hein, c'est très, extrêmement difficile de se faire une place. Même sans, je veux dire, aller marcher sur les plates-bandes de l'autre artiste, mais je veux dire, voilà, il y a de la place, quoi. Je pense qu'il y a de la place pour... Oui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde. La musique n'a pas de frontières, comme on dit. Oui, c'est vrai. Donc, ouais. Donc finalement, je pense que les gens aussi aujourd'hui changent un petit peu leurs habitudes. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui me disent qu'ils écoutent beaucoup les radios sur Internet, de plus en plus, vraiment de plus en plus, parce qu'ils peuvent vraiment choisir leur programme. Et puis, en plus de ça, il y en a énormément aujourd'hui qui passent leur journée sur YouTube à aller écouter des nouveautés, des clips tout à coup qui sont en nouveauté ou des choses comme ça. Et c'est un petit peu ce qui sauve la donne, on va dire. Hein, parce oui, que ça, c'est pas mal. Oui, les choses changent, les habitudes changent. Alors, bien sûr, il y aura toujours les radios qu'on entend partout, hein, number one, comme on dit. Mmh. Mais c'est vrai que les gens ont des habitudes aussi qui ont changé, et c'est grâce à ça aussi que vous existez. Oui, parce qu'il y a de la demande, hein, il y a de la demande. Hein, donc c'est une bonne chose pour nous, les artistes, on est contents. Ça, c'est bien, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, ce qui est plus embêtant, après, c'est bon... Après tu nous diras où on peut se procurer ton EP, parce qu'on est là aussi pour la promo, oui, bien sûr. Hein. Voilà. Oui, bien parce que je dis que maintenant ce qui est un petit peu voilà, j'ai bon, c'est vrai que ça c'est difficile à vendre. Enfin, je pense que tu penseras comme moi. Maintenant pour vendre un CD, c'est pas évident. Compliqué, ouais, c'est vrai. Ça devient compliqué, ou alors peut-être bon lors de prestations, de concerts, de spectacles que tu peux faire, peut-être voilà. Et c'est, enfin moi je dis ça, c'est dommage quoi. En fait, bon après comme tu dis, c'est des époques, voilà. Mais voilà, et maintenant le CD physique est difficile à vendre. Après bon, il y a les plateformes de téléchargement. Ouais, on peut presque pas y échapper en fait, hein, si vraiment. Ouais. Alors c'est toujours compliqué parce que c'est clair, je ne veux pas parler de la finance parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est sûr que sur les plateformes de téléchargement, finalement l'artiste il va pas toucher grand chose. Non, c'est mais ça, non, mais c'est vrai. C'est ça le problème. Donc comme tu as dit très bien tout à l'heure, c'est lors de prestations à l'extérieur, donc de concerts live ou de contacts, ou même sur ma page internet où il y a oui. le contact justement pour acheter le CD. Oui. C'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir les vendre et puis essayer d'avoir un minimum pour pouvoir nous permettre de continuer dans la musique. C'est vrai que c'est compliqué parce que même dans les magasins, maintenant, si vraiment tu veux poser ton album, ton CD ou même un single, il faut être signé, il faut avoir un label derrière. Enfin, oui, c'est quand même pas si simple, hein, on va dire. Alors après, bien sûr, moi je fais tout toute seule, hein, je suis vraiment toute seule pour faire tout ça. Franchement, je suis très contente, hein, donc j'ai pas à me plaindre. La page internet avec les commandes de CD ou sous contact, les gens me demandent combien ils veulent d'exemplaires, etc. Oui, mmh. Je fais compte remboursement, donc il y a vraiment pas de souci avec ça. Tout le monde reçoit son CD avec une petite photo dédicacée sur isa-officiel.com. Oui. Et puis après, bien sûr, les gens peuvent se procurer sur tous les liens de téléchargement, hein, que ce soit Spotify, etc. Au bout d'un moment, on est aussi obligé de passer par là, parce qu'il y a des gens qui n'iront jamais sur votre page pour prendre un CD physique. La plupart maintenant des personnes téléchargent la musique et n'achètent oui, plus bien forcément sûr. La musique en physique, à part ceux qui aiment bien le... On va dire le papier, c'est comme les livres. Hein. Les gens qui aiment les livres, ils vont à la bibliothèque ou ils vont dans un magasin. Oui, voilà, ouais, ouais. Et puis ceux qui aiment pas avoir le livre dans les mains ou le papier dans les mains, ben ils ont la lecture sur les réseaux, enfin sur les supports informatiques. Donc finalement, que ce soit dans le livre ou dans le disque, oui, c'est un petit peu la même bataille. Hein. C'est ça, oui, oui. Moi, je parle d'un temps où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui. Non, parce que voilà. Non, non, parce que. Moi, je l'achète très CD, hein, de toute façon. Moi, je l'achète. Moi, un artiste qui me plaît, j'achète son CD. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais dire. Puis, ouais. on le dit souvent, c'est vrai. Bon, on rabâche un petit peu en radio. Mais c'est vrai que, voilà, quand on aime un artiste, on aime bien voilà, avoir le CD, une photo, les textes éventuellement, regarder les auteurs-compositeurs. Oui, c'est ça. Ça. Et puis en fait, si vous voulez, l'artiste il sera content parce qu'en fait, quand vous achetez le CD, vous soutenez l'artiste. Quand on achète l'album en dur, comme on dit physiquement, oui, oui. L'artiste au moins il y a quelque chose. Donc c'est vrai que en plus ça le soutient. Donc c'est joli, c'est une belle, ouais, une belle complicité, c'est un beau partage. On est voilà. toujours content de repartir quand on va voir un artiste. Ben voilà, avec une petite photo dédicacée, avec le CD, c'est vrai que... Exactement. C'est sympa. Et puis bon, nous bah... aussi, on est tout contents. Ouais. Ah ben oui, je me doute. Et puis, bon, bah, c'est vrai que je fais une petite aparté, mais les vinyles reviennent en force aussi. Bon, voilà, ça c'est autre chose hein, encore. Hein. Tout à fait. Mais les vinyles reviennent, je disais, bon, à ces époques-là, dans les années 70, 80, enfin même 60, on avait ces vinyles-là, tout ça, c'était magnifique. C'était avec ces belles photos et tout, voilà. Bon, voilà, c'est mon petit côté nostalgique, tu vois, Isa, moi. Mais je comprends. comprends. Mais bon, je dis quand même aussi, ça m'arrive aussi quand même d'avoir, j'ai quand même de la musique dans le téléphone, tu vois. Voilà, ça m'arrive on aussi. On peut pas y échapper. Hein. On peut pas y échapper, hein. C'est vrai que. Alors, je te propose d'écouter donc une deuxième chanson de ton EP. Oui. Hein. Et puis là, on va partir, ça va bouger, on va partir dans le rock. Ah. C'est quoi ? Un jour, tu es parti. Non. Parce que alors attends avant d'écouter non mais tu sais moi j'aime bien un petit peu surprendre les artistes, je le dis toujours. Bon, je reçois les fichiers, bon ils sont dans l'ordre, etc. Puis bon, je change un petit peu, tu vois, l'ordre des chansons, tout ça. T'as bien raison. Ah, c'est pas mal. Ouais, très bien. Alors on écoute quand même cette chanson qui s'intitule Injustice. Ça bouge. Ça bouge. C'est bien, j'aime bien. Ça va avec le titre. Hein. Ah bah bien sûr, oui. Tout à fait. Ça bouge. Il faut que ça bouge. Je voulais te demander, Isa, quelles étaient tes préférences musicales quand tu étais un petit peu plus jeune. voilà, tes artistes. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré pour écrire, enfin, composer, etc. Alors écoute, moi je suis quelqu'un qui écoute vraiment de tout. J'écoute autant du classique que de l'opéra, que du rock, que du hard rock, que du jazz, que de la country. Bon, j'ai une préférence pour la country. C'est vrai, mon cœur balance vers la country. Beaucoup le rock. Quand j'étais plus jeune, j'ai été bercée évidemment par la musique qu'écoutaient mes parents, comme Véronique Sanson, Johnny Hallyday, Elvis Presley, etc. C'est vrai que j'ai beaucoup écouté ça. Après, dans mes années d'adolescence, j'étais très Jean-Jacques Goldman, Michel Berger et France Gall. Goldman, c'était vraiment... ouais, j'adorais ça, quoi. C'était, j'écoutais ça en boucle, hein, dans mon Walkman à l'époque. Dans Walkman, ah ouais, c'est vrai. Voilà. C'était super, ça. Ouais, j'écoutais ça en boucle, voilà. Et puis, évidemment, je redis à France Gall, j'ai beaucoup aimé. Après, dans l'anglais, j'étais beaucoup du côté de Madonna. Oui, ouais, Madonna, j'aime bien aussi. En fait, dans les années 80, enfin 80, je ne sais pas comment vous dites chez vous, mais voilà. Et du coup, c'est un peu dans toutes ces musiques-là. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui écoute énormément de musique française, parce que j'aime ça. Voilà, je suis Christophe Maé, Patrick Bruel, Obispo, voilà, ça c'est un peu toutes ces musiques que j'aime, que j'écoute. Il y a aussi des artistes suisses chez nous qui sont peut-être pas forcément connus chez vous. Et puis, on a un grand groupe rock en Suisse qui s'appelle Gotthard. C'est en anglais, mais c'est bien des Suisses. D'accord. Ils font du super rock, vraiment, j'aime beaucoup. Ouais. Donc, je suis vraiment ouverte à beaucoup de choses. Je suis pas fan à tout prix que d'une personne. Que d'une personne, oui, ou que d'un style. Ouais. Voilà, exactement. J'ai des préférences, ça c'est sûr. J'ai des artistes que j'aime beaucoup. Mais je ne vais pas que suivre ces artistes-là. Je suis vraiment ouverte à toutes les musiques. D'accord, oui. Ouais. Et il y a de la musique un peu, la musique, moi, je dirais, en Allemagne, la musique Schlager, en Suisse. Oui, bien sûr. On a on a l'accordéon. On a tout ça aussi. Bon, après, c'est vrai que la Suisse est très française, on va dire. Oui, bien sûr. On écoute beaucoup ce qui passe en France, passe en Suisse. Hein. On n'a pas forcément, à part des radios spécifiques qui vont vraiment passer... nous, on appelle ça de la musique pain fromage en Suisse. Oui. Oui, c'est vrai. On va faire une fondue, là, peut-être, non? Oui. En fait, on dit musique sans fromage, c'est-à-dire que toutes ces musiques d'accordéon, voilà, comme tu disais, c'est vraiment il faut les écouter à des endroits spécifiques, sur des radios spécifiques. Oui, bien sûr. Forcément comme ça, tu vois. Oui, parce que, bon, par exemple, si on cite l'accordéon, bon, c'est vrai que l'accordéon, c'est revenu, hein, bien sûr, il y a l'accordéon pur, enfin, dans les, je veux dire, je sais pas, les guinguettes, enfin, etc. Bon, voilà, il y a l'accordéon, mais bon, dans certaines orchestrations, enfin, même sur des artistes, voilà, l'accordéon. Oui, remettre à la mode. Hein. Ça rend bien à la mode, oui. Claudio Capéo, il met beaucoup d'accordéon. Ah oui, voilà, Claudio Capéo, oui, c'est pas mal aussi, ça, c'est vrai que. Oui. Et j'ai fait la connaissance, je ne sais pas si tu connais, une accordéoniste, Elodie Genoux, je ne sais pas si ça te parle. Non, ça ne me dit rien comme ça. Non, ça ne te dit rien comme ça, c'est pas grave, voilà. Et puis, je voulais te demander, Isa, aussi, alors, c'est toi qui tu composes, bien sûr, à la guitare. Oui. Ouais. Alors, je veux dire, à quel moment cela te vient, comment tu es disposé quand quand je compose. Quand tu composes, voilà, tu composes soir, la nuit. Alors, ça va être marrant ce que je vais te dire. Ouais. Je ne suis pas disposée du tout, en fait. Non, pour dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Ouais. Je suis vraiment une artiste, si tu veux. Je peux autant me lever la nuit parce que tout à coup, je suis en train de dormir et c'est vraiment sérieux. Oui, c'est pour ça que je voulais te demander. Parce qu'il y a une chanson vraiment que j'ai écrite en 10 minutes. Ouais. Je t'assure, c'est une histoire de fou. Bien sûr. Je dormais, donc j'étais en plein rêve. Ouais. Et dans mon rêve, j'étais sur scène en train de chanter une musique, une chanson avec des paroles. D'accord. Et je l'ai rêvé, cette chanson. Et d'un coup, je me suis réveillée. quand j'ai fini de la chanter dans mon sommeil, oui. Je me suis réveillée et j'avais tout de suite qui était là dans la tête. La mélodie, les paroles, l'accompagnement, tout. Oui, et du coup, je me suis levée en catastrophe. J'ai pris mon portable qui n'était pas très loin. Oui. Et j'ai vite enregistré en fait les mots que j'avais encore en tête. Bien sûr. Le rêve, il s'en va très vite. Hein. Quand on rêve, c'est étonnant, mais ça part très vite. Ah, oui, oui. Et du coup, j'ai vite fait des la la la, lululu. J'ai vite posé quelques mots comme ça. Ouais. Et je me suis dit, ok, là c'est bon, je peux retourner dormir, parce que je crois que sinon je n'aurais pas dormi. Bien sûr. Et puis il y a des moments où je peux être sur l'autoroute, je trace la route, comme on dit, et tout à coup j'ai envie de chanter, alors j'arrête la radio ou le CD dans la voiture, et je compose en fait. Donc du coup je vais m'arrêter sur un parking, pas trop loin, et puis j'ai les mots qui sont là, et puis je vais les coucher sur papier, et puis de nouveau, grâce au portable, hein, comme quoi la technologie elle est aussi bien. Elle est aussi bien, bien sûr. Et bien du coup je vais enregistrer aussi la mélodie. Ou ça peut être pendant ma pause café au travail où tout à coup j'ai une idée et puis je me dis ouh, ça faut pas que j'oublie, je vais noter ça dans un petit coin et puis voilà. Donc je suis pas forcément du style à devoir m'enfermer à un endroit. Oui. Pour composer. J'ai des émotions qui arrivent. Je suis une personne qui vit beaucoup de choses en moi-même. On est plusieurs. et puis du coup, quand ça vient, c'est là en fait. Ça peut être même après un téléphone avec quelqu'un ou une discussion. Il y a d'accord, quelque chose, ouais. Une émotion qui va monter et puis j'aurais besoin de partager quelque chose qui est en moi. Et que j'ai vraiment besoin de partager avec les gens. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas vraiment d'endroit ou d'heure ou de précision. Ça va être n'importe où et n'importe quand. Ça peut être à tout moment. Peut-être que je vais finir l'émission et puis que tout à coup, je vais écrire une chanson. Ah bah oui. On sait jamais. On sait jamais, Isa. Mais alors, moi, si tu veux m'écrire une petite chanson, moi, je suis preneur. Hein. Oh, t'es adorable. Ouais. En plus, j'ai musique ce soir, comme on dit. Tu vois, je répète. Pardon ? J'ai musique ce soir, comme on dit chez nous. Je répète ce soir. Ah, tu répètes ce soir. D'accord, ok. Oui. Oui. Et puis bon, je relise un petit message. En fait, c'est toujours Michel. Oui, Michel. Il me dit, cool, mardi, elle sera chez moi en interview. Absolument, absolument. Hein, c'est voilà. Quand elle allait me demander un petit peu les projets, ben, j'allais parler du 22 février interview à 20h30 sur Zikouane Radio. Sur Zikouane Radio, voilà. Ah, ouais, oui, d'accord. Absolument. Ouais. Donc il faudra être à l'écoute aussi. Ah bien sûr. Alors tu sais, oui, c'est pas toujours évident, tu vois, parce que on a plein d'amis. Alors bon, là je vais parler un petit peu des réseaux sociaux. Je pense que tu penseras comme moi. C'est vrai qu'on a plein d'amis. Moi j'ai des amis animateurs, animatrices. Alors c'est vrai qu'on essaye un petit peu de s'écouter chacun, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'après, bon, ça dépend des horaires et tout. Parce que chacun a ses émissions aussi. Oui, chacun a ses émissions. Et puis bon, bah, et puis c'est pareil, on a quand même une vie, tu vois, dans la radio. Après la radio, je veux dire. Ah bon? Mais oui. Ah bon, c'est possible. Oui. Donc tu vois, et c'est vrai que des fois je me dis mince, j'ai loupé telle émission. Ben, tu vois, c'est vrai. Et puis. Et c'est vrai que pour la plupart, c'est des gens formidables. Enfin, je veux dire, on s'entend bien. Je veux dire, tu vois, on se partage. Enfin, je sais pas si j'ai bien. On se partage nos artistes. Mais oui, c'est très bien dit, parce que c'est un partage. Voilà, je dis sur Facebook, c'est vrai que ça, c'est des beaux partages avec les artistes, avec les animateurs, animatrices. Et on se dit des fois, quand on est en contact sur Messenger, etc., je dis à une collègue animatrice, je dis, écoute, voilà, j'ai reçu tel artiste, je dis, c'est bien, j'aime bien. Et puis, on peut mettre en relation aussi, tu vois, avec d'autres... Tout à fait. Mais c'est ça, justement, que je trouve magnifique, qu'il n'y avait pas dans le passé. Donc, la vie change. Les choses changent, les choses avancent, mais du côté du partage, je trouve que c'est beaucoup plus ouvert. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais. Justement, toutes ces radios, ça ouvre ça a ouvert une porte, parce que même entre vous tous, toutes ces radios qui sont là maintenant, qui naissent, etc., et qui prennent le temps de recevoir un artiste, une heure et demie, une heure, etc., et qui partagent encore les artistes entre eux pour se dire « Ah, je l'ai reçu, c'était bien, je te conseille », je pense que c'était pas forcément ce qui se faisait avant. Avant, c'était plus « Ah, il est passé là-bas, faut qu'on le prenne chez nous oui. ». Oui, faire l'audimat, etc. Et ça, je trouve que c'est délicat quand même. Oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'on pourra voir après, si tu veux, après, je veux dire, plus tard, enfin, on va rester en contact, bien sûr, avec après cette émission. Je veux dire, on pourra en parler, parce que bon, voilà, j'ai deux, trois personnes que je connais dans les Hauts-de-France, par exemple, comme on dit maintenant, en Picardie aussi. Je ne sais pas si tu connais un petit peu ces régions-là. Pas beaucoup, hein. Ouais, pas beaucoup. J'ai une mauvaise note en géographie. C'est vrai? Écoute, si tu me dis, tu vois où c'est le Valais, tu vois où c'est Genève, tu vois où c'est Lausanne, oui, je vais dire oui. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Après, c'est vrai que la France, bon, tu me dis Côte d'Azur, il y a la mer. Ah ouais, ouais. L'île de Ré, il y a le Théon, mais bon. Les Vosges, tu connais? Tu me dis, il y a Paris, il y a la Tour Eiffel, oui. Et puis les Vosges, est-ce que tu connais, Isa? Alors oui, les Vosges, parce que c'est... Franchement, c'est à 4 heures d'ici, hein, c'est pas trop loin. Non, non, c'est pas trop loin, non. Je prends du côté du Jura et je trace. Donc oui, alors je sais où sont les Vosges. Alors ça, c'est un bon point. Oui, c'est un bon point, voilà. Voilà, c'est là où se trouve votre radio d'ailleurs. Oui, oui, oui, dans les Vosges, voilà. Voilà, bon, c'est une belle région aussi, avec des belles stations de ski. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de neige, hein, on s'en aperçoit, enfin, déjà l'année dernière, cette année, ben, les stations, ça devient triste. Hein, c'est... Avec le climat, tu vois, tout ça, c'est... Oui, ça se réchauffe. Hein. Oui, ça se réchauffe et on n'a pratiquement pas de neige, hein, cet hiver. Nous, il faut venir en Suisse, il faut venir en Valais, il faut venir dans les Alpes suisses. Ah, moi, écoute, c'est une publicité pour mon... Oui, non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien, j'ai eu l'occasion d'aller quelques fois en Suisse. Ben, je passerai bien des vacances. Puis moi, j'aime bien la neige. J'aime bien la neige, j'aime bien le ski, j'aime bien les beaux paysages. Tout ça, c'est formidable. Ouais, ouais. Là, je lance un appel, Isa. Oui, je vois, je vois. C'est une invitation, c'est ça. D'accord. Je t'embête. Non, non, non, pas du tout. Non, mais non, il faut, de toute façon, je dis, il faut rire, hein, ça fait du bien. Oui. C'est comme la musique, voilà, ça fait du bien. Et puis oui. Bon, bah, moi, dans mon émission, bah, j'aime bien la bonne humeur. J'aime bien, il faut qu'on rie un petit peu, c'est vrai, voilà, c'est plus cool, quoi, ça donne de la couleur, et puis voilà, bah, hein, c'est vrai. C'est quand même le but, hein, c'est pour passer un bon moment. C'est alors, pour passer voilà, un bon moment. Que les auditeurs et tous les gens qui nous écoutent aussi passent aussi un aussi bon moment que nous, on passe. Mais bien sûr, et puis je suis très content enfin, de t'avoir avec nous cet après-midi, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas eu d'artiste féminine. Ah. Et oui, parce que bon, bah, bien sûr, on travaille avec Lynn. Mais tu vois, je lui ai fait encore une petite note d'humour. Bon, Lynn, je pense que tu vois, elle regarde du côté des artistes masculins. Lynn, non. Tu dois regarder aussi, c'est les filles. Voilà, alors bon, de temps en temps, toi, elle me fait plaisir. Elle me dit, tiens, Gilles, voilà, j'ai trouvé une artiste. Alors je suis content, tu vois. Alors, elle s'occupe des femmes et puis elle s'occupe des hommes. Voilà, tout à fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Toi, notre petite équipe fonctionne comme ça, elle fonctionne bien. Et voilà. Et ouais, c'est bien. Aussi du bonheur et puis de la complicité et puis de l'humour aussi, tu vois. Oui, ça se ressent. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Puis on essaye de faire ce qu'on peut pour, ben, voilà, pour nos artistes et puis surtout, ben, voilà, après des artistes. Alors. C'est un bon retour après pour nous animateurs, je veux dire, parce qu'il y a des artistes qui restent fidèles, pour la plupart. Enfin, je veux dire, on a toujours un petit mot, tu vois, quelque chose. Ouais, ça fait plaisir aussi. Oui, puis c'est de la reconnaissance dans les deux sens. Hein, voilà, c'est ça. Puis, ouais, c'est des retours formidables pour nous aussi, tu vois. Voilà, on essaye d'être avec vous, hein, de vous, comment je veux dire, de vous faire connaître. Voilà, dans nos diverses régions. Oui, avec un grand bonheur pour nous, hein, ouais, c'est clair. Bien sûr. Alors, si on écoutait une autre chanson, avec plaisir. Isa. Oui. Alors, à ton avis, qu'est-ce que j'ai choisi en troisième position? Alors, vu que tu mélanges, je vais dire sentimental. Ouais, ouais, et c'est bien. C'est vrai? Ben, tu sais, tu as droit à une tablette de chocolat. Belge, hein. Oui, belge, bah oui. Alors, on écoute Sentimental. Merci. Tu dis que rien ne va comme tu le vois, c'est différent. Si tu y montres de l'importance des sentiments. Éducation. Lorsque tes larmes se mélangent au drap plein d'émotions. Vous êtes sous Radio Gémozo, 107 FM, avec cet après-midi dans les années bonheur, Isa. Voilà, on vient d'écouter Sentimental, Isa. Oui. J'aime bien aussi ça. Je suis un grand sentimental, moi. C'est vrai? Ah ouais. Donc tu souffres beaucoup. Oui. J'ai... Voilà. Écoute, j'ai souffert pas mal dans ma vie. Non mais c'est vrai. Elle parle un peu de ça justement là, elle parle de ça justement la chanson. Oui. Sentiment, je ne veux pas, je ne peux pas, mais finalement tu peux pas vivre sans. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est exactement le résumé de cette chanson en fait. On est tous parfois blessés par des choses et puis après oui, on dit on veut plus, on veut plus rien et finalement ben sans les sentiments ben on ne peut pas. On ne peut pas, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est tellement voilà. C'est tellement beau quand même. Ouais, c'est des belles choses, des bonnes choses, hein. Bah, bien sûr. Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Alors, donc cette EP, Isa, est sortie donc, en 2019, hein, je ne dis pas de bêtises. Hein, Non, tu ne dis pas de bêtises, ouais, il est sorti il y a bientôt une année déjà. Ouais, ça passe quand même. Ouais. Ça défile, ça a une vitesse, c'était une année, mais c'était très vite en fait depuis la sortie du CD parce que tout s'est enchaîné. Hein. J'ai eu une première radio en octobre 2018 où j'avais fait un petit titre en live sur c'était Donne-moi le temps, je crois, ou Injustice, je sais plus. Sur une première radio, c'était fin 2018. Ensuite, j'ai fait un clip acoustique au mois de décembre 2018 et là j'avais déjà en route justement l'enregistrement de l'EP. Oui. Et puis l'EP est sorti le 29 mars 2019. Donc, dans un mois, ça fait une année, en fait. Ça fait une année, oui. Et ensuite, tout s'est très vite enchaîné, parce que j'ai fait énormément d'apparitions dans des radios, pour présenter un peu mon côté artistique, mon EP, etc. En même temps, j'avais le tournage de mon clip sur Danse avec moi. Oui, j'allais t'en reparler. Oui, j'avais omis tout à l'heure de sur la chanson d'en parler. Donc, Danse avec moi a été clippé, hein, bien sûr. Oui, on a fait un clip qui a pris un peu de temps à faire. C'était le premier, donc pas évident. Et puis, beaucoup d'émotions en le faisant. Beaucoup de partage, hein, c'est quelque chose de faire un clip, hein, c'est du travail, etc. Ah, c'est sûr, ouais. Ouais, donc j'ai eu la sortie de ce clip qui a concrétisé le titre Danse avec moi. Et puis entre deux, justement, j'avais fait la connaissance. C'est là où justement j'ai fait connaissance avec Lenny Warner, à l'anniversaire d'une de ses radios, où on s'était entendu comme ça sur les réseaux ou bien à travers les radios. Et puis on s'est vraiment vu physiquement, on va dire, à l'anniversaire de cette radio au mois de janvier 2019. Oui. Et puis il y a un truc qui s'est passé en amitié. Voilà, on a accroché. Puis j'ai eu la chance d'être invitée justement à son premier concert à Vagani quand il l'a fait, c'était mars 2019. Juste avant, d'ailleurs, mon EP devait être prêt pour ce concert et puis finalement il n'était pas prêt. Donc j'ai eu la chance j'ai déjà accepté, j'ai été très touchée et honorée d'ailleurs. Bien sûr. Et puis du coup, j'ai chanté un titre avec lui en duo lors de son concert et puis j'ai chanté ma chanson Injustice en live. Ouais, d'accord. Donc, c'était magnifique. Et du coup, on a réitéré ça un petit peu plus tard, c'est en avril à Lille. Un concert de Lille, où effectivement aussi là j'ai fait un duo avec lui et chanté aussi un titre. Et à travers cette amitié qui est arrivée comme ça, on a appris à se connaître, à parler, à échanger notre côté artistique. Et puis on avait vraiment énormément de points en commun. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est un ami aujourd'hui, hein. Il n'y a pas que le côté artistique. Oui, bien sûr. On a vraiment cette chance de pouvoir partager une amitié sincère avec Lenny. Et du coup, ils sont nés suivis le duo qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Pas très longtemps, ouais. De nous. Là aussi, c'était un partage juste waouh. C'est une magnifique chanson que vous avez fait tous les deux. Moi, j'ai été honorée parce que quand il m'a fait écouter la chanson, puis il m'a dit est-ce que tu acceptes de faire ce duo avec moi, j'avais pas de mots, j'étais là, mais avec moi, Isa. Non, mais c'est vrai, c'est une belle chanson. C'était une aventure incroyable. On était en studio, on a vécu une journée vraiment de fou avec aussi Fabrice, son guitariste, avec Géraldine Potron qui a fait les arrangements. Ah oui, d'accord. On a vraiment passé une journée fabuleuse, tous les quatre. Et il s'en est sorti ce magnifique duo. Que j'écoute, même moi, en tant qu'artiste, je crois qu'il n'y a pas un jour où je l'écoute pas. Ah bien sûr. Moi, tu sais, quand des fois, j'ai fini mon émission radio, ça m'arrive de me réécouter. Tu vois, je sais pas, il y a un petit côté, tu vois, fois... Je m'écoute pas tant, mais celui-là, vraiment, c'est... Oh non, voilà, c'est vrai que c'est un beau duo. Et puis elle est tellement belle en fait, voilà. Puis Lenny, c'est quelqu'un vraiment qui a énormément de talent, avec un cœur énorme. Oui, énorme. J'ai eu donc l'occasion de recevoir Lenny, hein. Il était venu en studio l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, parce que comme on disait tout à l'heure, ça passe vite. Oui, tout à fait. Ouais. Et Lenny, c'est vrai que c'est quelqu'un d'attachant. Moi, j'apprécie ce qu'il fait aussi. Hein, bien sûr. Son univers aussi. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de... Voilà, on a gardé des bons contacts avec Lenny. Franchement, comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est formidable, quoi. C'est une belle personne. C'est quelqu'un de, je sais pas, voilà, c'est, on ressent pas toujours. C'est unique, c'est assez unique parce que dans ce monde aujourd'hui, les gens, ils ont plus le temps, tu vois. C'est oui, ça, oui, c'est ça. Bah oui, c'est sûr, on court partout et tout. Et puis c'est une personne justement qui prend le temps, en fait. Ouais. Il l'a pas, hein. Je peux te dire, il l'a pas. Oui, non, mais je sais. Ça me fait penser à ma chanson, Donne-moi le temps. Non, mais il l'a pas le temps. Enfin, moi qui le connais un peu, il n'a pas le temps. Mais il le prend. Je sais pas comment il fait. Si, c'est vrai, oui, il le prend. Doubles, il le prend. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il le prend. Et pourtant, je peux te jurer qu'il a le temps à l'heure avec la préparation de sa tournée et tout. Et c'est un truc de fou. D'ailleurs, je suis très heureuse parce que je vais faire... Il y a des programmations en 2020, hein, je vois. Oui, exactement. Il y aura déjà le showcase le 19 juin à Lausanne à 21h pour la sortie de son deuxième album où il m'a demandé de participer aussi. Alors le programme, faut pas me le demander, je ne connais pas, donc je ne pourrais rien dire et je ne dirai rien. D'accord. mais ça va être de nouveau Oui, puis il y a des choses en préparation. Qu'on va partager. Bien sûr. Et puis il y a encore vu qu'on a une très bonne complicité artistique, j'ai écrit une chanson il y a pas très longtemps. Oui. Et c'est vrai que je lui ai dit, ben voilà, j'ai eu tellement de plaisir, etc. Cette chanson que j'ai écrite, elle me touchait énormément et j'imaginais ses doigts sur le piano. D'accord. Et du coup, ben, je lui ai demandé s'il était OK de me poser la musique, sur mes mots. Et puis l'accepter. Donc ça va donner encore quelque chose. Ce sera la surprise. Je ne vais pas trop en dire maintenant. Mais bien il y a sûr. De nouveau une collaboration artistique par rapport à ça. Il a posé d'ailleurs les notes sur mes paroles et je me réjouis de partager ça. Bien je peux sûr. En dire trop maintenant. Non, il faut garder un petit peu de. Voilà, exactement. Ouais. Mais il y a des choses qui se passent. D'accord. Alors peut-être que ça paraîtra sur un futur EP. Est-ce que tu travailles déjà sur le EP, ton premier EP a un an. Oui. Est-ce que tu travailles déjà sur un deuxième projet, quoi, enfin deuxième. Deuxième oui, alors effectivement, tu déduis très bien les choses parce que en ce moment même, en fait, je suis sur l'écriture de mon album. Alors là, ce sera un album, ce sera un pas album, un EP. Ouais. Le EP, il avait 5 titres. 5 titres, ouais. Là, il y en aura, je pense, 12. Oui. Si tout va bien. Je travaille en collaboration avec mon guitariste, qui est aussi un ami. On fait de la musique ensemble déjà dans un groupe de reprises. Et puis c'est une jolie histoire, c'est Robin Miranda Martin pour le nommer quand même. D'accord, bah bien sûr. Voilà, c'est mon guitariste. Et en fait, l'histoire elle est belle parce que vu qu'on partageait déjà, on va dire par rapport au groupe de reprises, beaucoup de choses. Du coup. Un jour, j'étais en train de faire une chanson, puis il m'a dit « Ah, tu serais d'accord que j'écoute ce que tu es en train de faire ?» Parce que tu m'as dit que tu écrivais un peu sur ton deuxième album. Oui. J'ai dit « Bah oui, quand même, c'était là et tout, on se marrait, on faisait un peu de news, on était à plusieurs, voilà, c'était un peu le bœuf, comme on dit. » Oui, oui. et puis j'ai dit « Bah, il n'y a pas de souci. » Puis il a un peu écouté, puis il me dit « Ouais, depuis toujours, il m'a soutenu, enfin, il aime beaucoup ce que je fais. » Et puis, du coup, il m'a dit, est-ce que tu serais d'accord de me prendre avec toi pour vivre l'aventure numéro 2 ? D'accord, ah oui. Mmh. Et puis, il m'a dit, j'aimerais bien te convaincre. Il a aussi fait donc des morceaux à lui, il chante pas, hein, mais il a écrit quelque chose, deux, trois choses qui sont pas mal du tout, qu'il m'a fait écouter. Et puis, quand il m'a fait écouter tout ça, ça m'a vraiment convaincue. J'ai dit, ouais, on est sur la même longueur d'onde. Le petit côté rock que j'aime, etc. Donc depuis quelques mois, on travaille ensemble. Donc moi, je vais présenter mes morceaux. On travaille ensemble complètement sur toutes les chansons du deuxième album. Et puis, ce qui est génial, c'est que il joue aussi en live pour Isa, en fait. Hein. Donc quand je joue en live, en concert à l'extérieur, je me présente toute seule ou à guitare, mais je fais aussi des concerts avec des musiciens. Tu as vu trois musiciens, j'avais vu sur. On est 5 en tout. 5 en tout, d'accord. Il y a le batteur Mike à la batterie. Oui. Il y a Patrice à la basse. Il y a Robin à la guitare, que je viens de parler. Oui. Il y a Sarah au clavier et aux voix. Et puis moi. Donc en tout, on est 5. Oui, oui, je vois. On est 5 sur scène. Donc, ils ont déjà joué, donc Robin, avec moi en live. Ils ont repris ces chansons avec moi, étant donné que ce n'est pas les musiciens à la base. Moi, j'avais enregistré l'EP en studio avec des musiciens que j'ai choisis, des personnes avec qui j'ai travaillé, comme Florent Bernheim, qui a fait tous les arrangements de l'EP, et puis Laurent Weber à la batterie, qui a posé une touche très personnelle. C'est quelqu'un qui a vraiment son frappé à lui. C'est très personnel ce qu'il fait à la batterie, et j'aime vraiment beaucoup, ce qui a donné cette couleur aussi sur mon EP. Et puis Pierre Guéguen, qui avait fait la réalisation du clip, etc., le mix, etc., de l'EP. Donc, finalement, les gens qui ont travaillé en studio avec moi ne sont pas les mêmes que j'ai sur scène. D'accord. ouais. Ce qui est logique parce qu'eux aussi ils ont leur groupe, leur truc à côté, travail. Ouais. Donc du coup c'est différent. Alors j'ai la chance d'avoir ces musiciens-là avec moi et Robin maintenant qui écrit la musique avec moi, qui me donne aussi des idées par rapport à ce que je fais déjà. On a un partage là-dessus et je suis vraiment très contente et je me réjouis. Qui prennent vie petit à petit, c'est beaucoup, bien beaucoup sûr. De travail. Ah bah oui, oui. Ouais. Puis bien c'est sûr, clair oui. que 12 titres, ça ne se fait pas en un mois, hein. C'est quelque chose qui va prendre du temps. J'espère pouvoir l'avoir d'ici une année, mais je ne veux pas m'avancer, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Oui, bien sûr, ouais, je comprends bien. Oui, puis c'est vraiment quelque chose que je peaufine. Eh bien, écoute, dans chaque détail. Ça donnera l'occasion écoute, de refaire une autre émission quand tu auras ressorti ce deuxième CD. Hein. Ça sera sympa de se retrouver. Bien sûr. Je voulais te demander aussi, Isa, quand tu es sur scène, est-ce que tu interprètes aussi d'autres chansons, enfin, qui ne sont pas les tiennes, je veux dire, tu vois, je sais pas, oui. Peut-être des fois des reprises de... Oui, ça arrive. Oui, alors, oui. Étant donné qu'avec mon EP... Bon, quand je fais mes lives, il y a deux chansons qui ne sont pas sur l'EP, que je fais systématiquement, que j'ai écrites, oui. que j'avais joué à l'époque avec le groupe Replay. Je ne les ai pas mis sur le CD volontairement, oui. Parce que j'avais fait la musique avec d'autres personnes. Et puis, j'aime bien avoir ces petites surprises en live où les gens ils connaissent pas forcément et puis qui découvrent que c'est des titres que je fais en live. Il y a des titres que je fais que en live qui ne sont pas sur les CD. Donc, les gens, s'ils veulent les écouter, il faut qu'ils se déplacent. D'accord. Et puis après, ça donne le petit plus. Et puis après, oui, alors comme effectivement un concert, tu vas pas passer juste une demi-heure. Donc pour compléter un peu, je chante des reprises. Oui. Il y a une chanson de, pour pas le citer, je l'ai dit tout à l'heure, que j'aimais beaucoup, Jean-Jacques Goldman, bien sûr. Donc La peur de rien de blues, c'est une chanson que je chante depuis toujours, que j'ai vraiment dans les tripes et je l'adore cette chanson. Donc je la chante systématiquement. À mes concerts extérieurs, en live. Il y a une chanson de Bruel aussi que je chante très souvent, c'est « Combien de murs ?» parce qu'elle elle représente énormément de choses. C'est vraiment, c'est une histoire de « Combien de murs hein. ?» Le mur de Berlin, c'est quelque chose... Ah, oui, bien sûr, oui, d'accord, ok. J'essayais de comprendre. C'est sur l'histoire de la chute du mur de Berlin. Sur la chute du mur de Berlin, donc en 1989. Voilà. Ouais. Exactement, et du coup, c'est quelque chose que je trouve très important, et puis on a tendance à l'oublier avec les années et le temps qui passe. Oui, c'est sûr. Et j'aime bien remettre un petit peu cette chanson avec mon interprétation personnelle, avec les musiciens qui ont aussi leur touche personnelle. D'ailleurs, en live, quand on joue mes chansons de l'EP et puis les autres, enfin mes compositions, ce qui est vraiment chouette et qui change, c'est que les musiciens qui ont eu la gentillesse d'accepter de jouer avec moi, qui sont toujours là et c'est toujours les mêmes, je leur ai dit, on reprend mes chansons, voilà, c'est ça, je l'aurais présenté, mais je tenais pour le live qu'ils apportent leur touche personnelle pour se sentir encore plus concernés. Bisous. Oui. Ce qui donne, tu vois, encore un petit plus en live, parce que c'est pas du copier-coller de l'EP, c'est vraiment c'est du live. C'est du live, c'est là que l'artiste présente donc ses chansons. Oui, c'est ça, en fait, au public. Tu es toi et tu vas tout donner. Tu vas donner public. Et comme la musique, elle n'est pas copier-coller du CD et que chacun peut mettre sa touche personnelle, ça nous soude tous ensemble et chacun peut se sentir concerné. Et ça, c'est beau parce que ça fait vraiment la cohésion du groupe sur scène. Et c'est ce que ressentent aussi les gens et c'est ce qui nous permet de pouvoir partager avec le public. Et ça, c'est juste merveilleux. Bien sûr. Et je crois que c'est le plus beau, je pense, parce que bon, entrer en studio, faire un CD, c'est une chose, c'est du travail, oui, un plaisir aussi sûrement, mais après, d'être sur scène, je pense que là, c'est formidable pour l'artiste, et puis voilà, pour transmettre au public. Alors, ça, c'est le Graal. Voilà, excuse-moi Isa, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors si tu veux, il est 17h10, tu vois, il faut qu'on écoute encore. Mais oui, ça passe, hein, ça passe toujours vite. Et puis, voilà, on est bavard, hein. c'est pas grave. Oui, on est très bavard. Il faut... Alors si tu veux, Isa, on va écouter maintenant le duo que tu as fait, enfin la chanson que tu as faite avec Lonnie Warner, d'accord? Oui, à grand plaisir. Ok, donc on écoute « Que restait-il de nous ?» Thank you.

Ah, elle est magnifique. C'est magnifique, hein, voilà. Je peux l'écouter 100 fois, ah, oui, oui. Sur le même effet, et je pense qu'elle fera le même effet à tous les auditeurs qui l'écoutent. Je pense bien, oui. Alors, que reste-t-il de nous? Alors, moi, je dirais, il faudrait quand même qu'il reste quelque chose de vous. Que alors, votre collaboration, bon, tu nous en as parlé tout à l'heure un petit peu, hein, bien sûr, que votre collaboration avec Loni ne s'arrête pas là, parce que franchement, Alors, moi, j'adore. Oui. Ouais, j'ai eu beaucoup de retours en Suisse. Vraiment, ça m'a vraiment surprise de tous les côtés, des gens qui me disent, mais en fait, pourquoi vous faites pas un album? Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Et encore hier, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous faites pas un album tous les deux, à deux? C'est tellement logique, vos voix, tout va bien ensemble. Pourquoi vous comptez d'un ou deux duos? Pourquoi vous faites pas un album à deux? Mais je veux dire. C'est une discussion qu'on aura quand on se verra peut-être. Bien sûr, oui. Moi, je veux dire, quand je l'ai écouté la première fois, tu sais, j'ai eu des frissons. Ça m'a donné des frissons. Ça, c'est sincère, hein, très sincèrement. Ouais. Ah, c'est quand c'est une rencontre comme ça entre deux personnes et que ça colle et que tout va, c'est clair qu'on le ressent bien sûr dans l'interprétation. Hein, ça, c'est sûr. Bien sûr, oui. Ouais. Et puis bon, bah, comme on disait tout à l'heure, Loni, bon, bah, Loni était venu en studio, en live, c'était formidable. On a fait une belle émission avec Loni. Ouais, et ouais. Je dirais dans mes souvenirs, bah, c'est tout proche. Bon, ça passe vite, comme on dit, mais je veux dire, ça, il restera dans le top 10, tu vois, je dirais, de mes émissions. Bon, j'ai pas mal fait d'émissions déjà, mais il restera dans le top 10 de mes émissions, tu vois ce que je veux dire par là, quoi. Ah oui, tu comprends complètement. C'est franchement, on a vécu un bon moment ensemble. Là, franchement, c'était super. Alors. Ouais, c'est mal. Isa, je te parlais de surprise tout à l'heure. Donc, en voici une autre. Coucou Isa, c'est Loni. Comment ne pas te laisser un message aujourd'hui lors de ton passage à Radio Guimauzon. Ce petit message pour rappeler plein de souvenirs, parce que on a vécu une belle aventure, une aventure humaine, une aventure artistique. Et c'était bon, je pense, de refaire un petit comeback sur ce qui s'est passé depuis 2018. 2018, on s'est connus grâce aux réseaux sociaux. On a su partager des valeurs humaines et des valeurs artistiques. On a senti déjà une petite osmose, une petite fusion par rapport à nos envies, par rapport à notre ressenti sur cette vie artistique. Et puis, il y a eu un 18 janvier 2019, on a pu se rencontrer pour la première fois, où ça confortait ce qu'on pouvait penser réellement de nous, sur nos valeurs humaines, sur nos valeurs artistiques, et puis l'envie de partager ensemble tout ce côté artistique et vivre aussi bien à la vie comme à la scène notre amitié. Alors effectivement, il y a eu le concert de Beaune, au concert de Vanille, où je n'oublierai jamais tout le soutien que tu as pu m'apporter par rapport à des événements personnels, et surtout cette levée de rideau à Vanille où tu m'as donné toute la force pour pouvoir faire un joli concert malgré les circonstances. Et puis le temps a passé, on a eu envie d'aller un petit peu plus loin sur cette aventure humaine et artistique, où on a eu envie de partager la musique, les notes, les mots. Et puis un mois de juillet, est née une chanson sur laquelle je t'ai proposé de partager un doigt avec moi, où tu as répondu à oui sans hésitation, où j'ai eu le plaisir de partager avec toi ce magnifique duo, Que reste-t-il de nous? Alors, que reste-t-il de nous? Je me pose même pas la question, car on a toujours la même vision, la vision artistique, la vision toujours aussi humaine, et de vivre cette passion dans le partage, sans aucun esprit de compétition, car la compétition entre artistes, lorsqu'ils s'apprécient, ne doit jamais exister. Et c'est les valeurs humaines que j'aime en toi. Donc, ton album est juste magnifique, et je sais que le prochain qui est en train de se construire petit à petit le sera tout autant, parce que tu sais écrire la musique et tes mots avec le cœur, avec l'envie de te faire plaisir et de faire surtout plaisir à tous ceux qui pourront l'entendre. Alors je te souhaite une excellente route. Nos routes, bien sûr, vont se recroiser lors des tournées 2021, puis il y a 2020 où encore on a plein de choses à vivre. Je t'embrasse très très fort, plein de bonnes choses à toi, et surtout une bonne émission avec Radio Guimauzon. Je t'embrasse et à très bientôt. Voilà Isa, une autre surprise. Ouais, attends, parce que là... Oui, je comprends. Il me faut une petite minute. Je t'en prie. Il faut que tu parles, parce que moi, je peux pas, là. D'accord. Ok, si tu veux, on passe une musique, ok? Oui, on passe une musique. D'accord, ok, on passe une musique, on va écouter Un jour, tu es parti. Merci. toi. Voilà, je retrouve Isa. Oui, je suis là. Tu es là, Isa. J'ai repris un peu mes esprits. Alors voilà, je voudrais juste dire un mot, c'est que vraiment je m'y attendais pas du tout, mais non, pas du tout, du tout. D'accord. Ouais, ça. Bah, je suis content. Ouais, vraiment, je sais pas, j'ai pas de mots parce que en fait, je suis tellement touchée parce que ce qu'il a dit, c'est tellement ça en fait. Il a tellement bien résumé ce qu'on partage. Oui. Il y a rien à rajouter et je suis touchée au plus profond de moi parce qu'il trouve toujours les mots et les mots qu'on s'est déjà dit. Et oui, ce lever de rideau qu'on pourra jamais oublier et tout ce qu'on a partagé, la confiance qu'il m'a donnée pour ce duo et ce qu'on va encore partager parce qu'on bien sûr. Il y a des choses qui se passent, c'est clair. La tournée, ben voilà, c'est une preuve de confiance et c'est juste magnifique. Il reconnaît l'artiste que je suis et au-delà. Et on a cette complicité depuis le départ. Et il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Bien sûr. Et c'est juste magique. Et vraiment, pour ce petit mot, Leni, je te ferai un petit MP. merci beaucoup, Leni. Je suis vraiment super touchée. S'il écoute, ben voilà, je vais le remercier. Mais je lui ferai un petit MP en privé pour le remercier. D'accord. Voilà. Donc, je vais... Enfin, Leni nous écoute. Donc, ah ben voilà. Je vais. Normalement, il nous écoute. Ouais. Bon. Alors, mets-en encore une couche là. Ouais. Oh, je suis pas sympa. Non, mais pour te dire un petit peu les coulisses de l'émission. Non, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à préparer ton interview, enfin l'émission, je me suis dit, enfin, on en a parlé avec Lynn. Je me dis, moi, je vais contacter Loni. Pour qu'il te fasse un petit message et connaissant Loni, c'est vrai que je l'avais appelé tout vite et il pouvait pas me répondre tout de suite. Alors, mais le connaissant, je me suis dit bon, il va accepter Loni. Et puis toi, on a fait ça. Il était quelle heure? 15h15, 15h20. On a fait ça ensemble. Avec la collaboration de ma collègue Lia. Donc voilà, on a enregistré ce petit message avec Loni. Alors c'est pour ça que je disais que voilà, c'est quelqu'un d'adorable parce que voilà. Voilà. Ouais, en tout cas, un grand merci, vraiment un grand merci pour cette belle surprise. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est... De tout mon cœur, vraiment merci beaucoup. Voilà, alors tu vois, dans les émissions, on essaye, voilà, il y a de l'humour, il y a des surprises, hein, des fois, voilà, bon, je veux pas, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le partage et tout, et c'est formidable, c'est hein, c'est vrai, c'est bon, c'est formidable. Non, alors, Isa, peut-être une petite question encore, et puis après on va conclure tout doucement, puisqu'il est 17h27, hein, oui. ça passe vite. C'est vrai que moi j'ai passé une bonne émission. En tant que ta compagnie, il faut que... Merci beaucoup. C'était, voilà. Alors, je suis un petit peu curieux, tu vois. Alors, je veux dire, Isa, c'est ton nom de scène. Après, ou c'est un diminutif de Isabelle, je ne sais pas. Tu n'es pas obligé de répondre, hein, je sais juste... Non, ça ne me dérange pas du tout, parce qu'on l'a déjà posé, on me pose toujours la question pour ça. Ouais. Alors, c'est Isa, pourquoi? Parce que le Z, en fait, représente tous les diminutifs de mon prénom qui est Isabelle, à la base. D'accord. Et tout le monde m'a toujours appelé Zazou, Zabou, Zabounette, Ziza, Zizabul, tout ce que d'accord. Tu veux avec Z. Et ça m'a poursuivi Zaya, Zayounette, enfin voilà, ça m'a poursuivi tout au long de ma vie. Et c'est toutes des preuves de gentillesse, d'amitié, bien sûr. Ouais, d'amour, etc. Donc je me suis dit, pour moi c'était important en fait. Donc le Isabelle c'est moi, donc il fallait qu'elle reste. Mmh. Et puis il y avait ce Z de toujours qui m'a suivi. De là le I minuscule avec le Z majuscule. Et le A minuscule qui a donné Isa. D'accord, voilà. Ok. Après, il se peut qu'il y ait peut-être un changement au niveau de mon nom artistique, parce qu'il y a une très grande artiste qui porte déjà ce nom au Brésil, et ça pose un peu des soucis. Donc, il est possible que je vais devoir rajouter quelque chose dans un futur proche, mais je ne vais pas trop en parler maintenant, mais voilà. D'accord, moi j'avais... Et puis je voulais encore... Vas-y, je t'en prie. Je ne sais pas si ça te convient, mais je voulais encore dire aussi une chose, c'est que donc je voulais juste rappeler le 22 février, donc en interview avec Michel sur Zikwan à 20h30, bien sûr, ouais. Qu'il y aurait justement quelque chose tout bientôt, une jolie surprise qui va arriver. Rappeler le 19 juin le showcase à Lausanne où je participe pour le New Warner. Oui. Il faut réserver les pièces, hein. C'est libre, l'entrée est libre, mais il faut réserver les places. Donc sur mon site, enfin sur ma page isa-officiel.com, il y a le lien pour à l'asso, association Angel Music Prod, pour réserver les places si jamais, c'est le lien à Aloni. Et puis le 31 juillet où je serai en concert extérieur, donc open air, aux casernes de Sion, pour soutenir l'association cyclosportive valaisanne. Ah oui. D'accord. Donc je serai en concert, pour ceux qui connaissent la région valaisanne, à Sion, à 19h le 31 juillet. Et puis le 24 octobre, la première partie, le début de cette incroyable tournée Face à vous, de Leni Warner, qui sera à Wagani, en banlieue parisienne, donc où les places sont aussi déjà en location, où les gens ils peuvent aussi aller sous lasso.com, association Angel Music Prod, pour réserver les places. D'accord. Voilà un petit peu. J'ai pas trop voulu non plus faire de projets. J'en ai déjà beaucoup, mais faire de projets trop soutenus cette année, étant donné que je suis en écriture du deuxième album. Bien sûr. Mmh. Et de ce fait, il faut vraiment que je garde du temps pour ça. Et Loni m'a confié aussi peut-être un concert aussi du côté de Nancy. Bon, c'est encore pas. On en avait un petit peu parlé hier au téléphone. C'est peut-être c'est pas encore fait, mais enfin bon, voilà. Et si à ce moment-là, ben Nancy, c'est à une heure de chez nous. Ah. Alors, si jamais ça se fait, ce serait merveilleux. Ça serait formidable. Je viendrai avec grand plaisir. Ouais. Et puis, si jamais il y a des gens justement qui veulent me trouver, bien sûr, faut pas hésiter, hein, sur Google, enfin voilà, sur Internet, isa-officiel.com, c'est ma page. Sur ma page, il y a tous les liens qui renvoient vers MX3, là où on peut écouter toute ma musique. Il y a le lien qui renvoie sur Instagram aussi, isa-officiel. Ma page Facebook, isa officiel, et puis bien sûr ma chaîne YouTube Isa officiel. Donc vraiment, vous pouvez me trouver partout sous Isa officiel. Même Google, vous tapez Isa officiel, vous êtes sûr de me trouver. Mais il ne faut pas mettre Isa tout seul, mais Iza, puis ensuite officiel, et là on trouve toutes les infos. Et puis bien sûr, pour les gens qui veulent acheter mon CD, ben n'hésitez pas à aller sur ma page internet isa-officiel.com. Et puis sous contact, tout en bas, vous mettez vos coordonnées. Et puis je vous envoie le CD contre remboursement. Il n'y a aucun souci. Je vous explique comment ça se passe. C'est tout simple et il n'y a pas de problème. C'est très bien, Isa. Merci. Le message est passé. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis aux auditeurs, aux auditrices, voilà, voilà, et je pense que cette émission, voilà, leur a plu, et puis qu'ils prennent contact avec toi, parce que vraiment c'est un bel EP, et j'aime bien ton univers, ce que tu fais, et franchement c'est très bien. Beaucoup, c'est, non mais c'est sincère. Autrement je dirais rien. Mais si je dis c'est sincère, on revient tout vite sur votre collaboration, je veux dire, avec Loni. Bon, c'est vrai que Loni, je connais, on se connaît bien, je veux dire, je sais pas, on se connaît un petit peu tout ça, et bon, ça a bien fonctionné entre nous deux, et voilà, ça me plaît beaucoup ce que vous faites, et franchement, voilà. Alors Isa, moi je te remercie beaucoup d'avoir été sur nos ondes cet après-midi, ça m'a fait vraiment un grand plaisir. C'est moi qui vous remercie de tout mon cœur, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Lia, elle est toujours là. Lia est toujours là. Voilà. Alors un gros bec à Lia, aussi à Lynn qui nous écoute. Un gros bec, encore merci aussi pour son petit message. Des énormes bisous à Leni, Michel et puis Anne qui était à l'écoute. Un énorme merci de tout mon cœur à toi pour cette émission qui m'a vraiment fait très plaisir. Et j'espère qu'on pourra se rencontrer, comme tu as dit, ça me ferait très très plaisir. Ah ben moi aussi, merci. C'est pareil, j'aimerais bien aussi. Merci de ta gentillesse, merci pour cette interview, et puis c'est avec plaisir, Isa, tous les auditeurs, un grand merci aussi d'écouter comment on dit, Radio Gay Mazo, c'est juste non, pas Mazo. Mazo, pardon. Non, alors voyons, Isa. C'est joli, Mazo. Chez nous, les Mazos, c'est des petits chalets en bois. Ah bon, c'est pas pareil chez nous. C'est pas pareil, oui, chez nous. Chez nous, les Mazos, c'est des tout petits chalets très vieux de la coque, qui sont tout en bois, qui sont très rares et très chers. D'accord. Et ah oui, c'est oui. C'est pour ça, en fait, Radio Gay, tu vois, avec les montagnes, je pense Mazo, mais c'est Mozo. Hein. C'est Gay Mozo, voilà. C'est Radio Gay Mozo. Donc, on l'explique vite fait. Gay Mozo, ça vient d'une petite rivière qui coulait dans les coins. Voilà. C'est ça, on était implanté à côté d'un petit ruisseau avant, qui s'appelait le Gay Mozo. Le Gay Mozo, voilà. Ah, d'où le nom de notre station, de notre radio. Merci. Okay, tu sais que Isa, c'est aussi une petite rivière. Quand tu traduis Isa, je crois que c'est de l'africain, c'est aussi une petite rivière. Ah d'accord, ok. Bah tu vois, Ben tout voilà. Cool, tout cool entre nous. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Encore merci Isa, je te fais des, ben, je me permets de te faire des bisous. Oui, tu peux te permettre. Voilà, je te fais des bisous. Je te souhaite une bonne continuation. Voilà, un beau succès pour ton premier EP et puis une belle continuation pour ta carrière. Merci et beaucoup. Et plein de bonheur, de joie, voilà. Merci énormément pour cette émission et puis cette gentillesse. Merci à tous et merci particulièrement à toi et à Lynn et un gros, gros, gros bisou et merci à toutes ces belles surprises que j'ai eues. Merci Isa, à bientôt. Au revoir, bye bye. Amis auditeurs, auditrices, voilà, l'émission se termine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures musicales. Passez une bonne soirée, portez-vous bien. Merci Lia. Bah de rien. À bientôt. À bientôt. Hein, voilà. Bye bye à tous, bonne soirée, bye. Dans le cœur, une mélodie en accord majeur, un rythme qui sonne, des mots qui résonnent, un refrain que l'on fredonne. C'est la musique qui nous rassemble, qui nous fait chanter, danser ensemble. Un air de guitare, un piano dans un bar, un musicien qui joue dans le noir. Chantez pour tous ceux qui s'aiment, chantez pour les cœurs qui saignent, chantez les joies et les peines, chantez à en perdre haleine. Dansez avec ceux qu'on aime, dansez pour les soirs de fête, dansez à chaque seconde, dansez jusqu'au bout du monde. On a tous une chanson dans le cœur, un air qui nous met